17-27, observation, autrefois et maintenant, imparfait, révision. Autrefois, il y avait des bouviers. Maintenant, il n'y a plus de bouviers. Autrefois, nous allions en Bretagne. Maintenant, nous n'allons plus en Bretagne. Quand j'étais petit, je voulais être pompier. Maintenant, je ne veux plus être pompier. Autrefois, on faisait ça. Maintenant, on ne fait plus ça. Avait, à Lyon, était, voulait et faisait sont des verbes qui se réfèrent au passé. Ces verbes sont à l'imparfait. Vous vous rappelez que l'imparfait est formé sur le radical de la première personne du pluriel du présent. Présent, nous allons, nous faisons. Imparfait, nous allions, on faisait.